Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, toujours un plaisir de présenter cette émission. Et on va commencer aujourd'hui avec du Ravel. Ravel et son tombeau de Couperin. Bah, Ravel qui rendait hommage à l'un de ses grands prédécesseurs, François Couperin, ou peut-être Louis Couperin. Finalement, l'œuvre ne précise pas, enfin, le manuscrit ne précise pas de quel Couperin il s'agit, parce que les deux Couperin sont évidemment deux compositeurs majeurs de leur époque, c'est-à-dire à cheval sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Et cette œuvre, le tombeau de Couperin, comme souvent, était d'abord composée pour piano, et puis plus tard, Ravel l'a orchestrée, mais alors avec vraiment un raffinement extraordinaire, comme toujours d'ailleurs, c'est vraiment un orchestrateur hors pair que Ravel. Et c'est une œuvre qui date de la période de la Première Guerre mondiale, l'époque où Ravel sert au front. Il a demandé à être intégré à l'armée parce qu'il avait été réformé en raison de sa constitution chétive. Et il va servir comme ambulancier, mais en prenant des risques parce qu'il n'était pas très très loin du front. Donc un type tout à fait extraordinaire que Ravel, extrêmement courageux, et qui a laissé bien sûr une œuvre considérable où il y a très très peu de ratés. Ravel prenait son temps pour composer, il a composé quand même, il a un beau catalogue, mais tout de même, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui sont inintéressantes chez Ravel, il faut quand même le préciser. On va écouter le prélude, version orchestre de ce tombeau de Couperin avec l'orchestre de Cleveland, dirigé par Pierre Boulez. Le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel avec l'orchestre de Cleveland et Pierre Boulez. Eh ben Couperin, le voilà justement, François Couperin, né en 1668, mort en 1733, l'un des grands maîtres de l'époque baroque en France, claveciniste, organiste, qui a laissé des pages admirables comme les Leçons de ténèbres et puis les Concerts royaux dont on va écouter un extrait dans un instant. Une dynastie de musiciens qui vivait à Paris et dont le dernier rejeton d'ailleurs tenait encore des orgues parisiennes dans les années 1830-1850. Et pourtant, c'était donc une lignée de musiciens qui remonte à bien avant François Couperin. Donc un compositeur essentiel que Bach a beaucoup admiré d'ailleurs. Et ses concertos royaux sonnent justement un petit peu comme les concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. On pourrait dire que c'est l'équivalent chez Couperin. Alors voici La Forlane Rondo du 4e concert en mi mineur par le Parlement de Musique dirigé par Martin Gester. Un extrait du 4e concert en mi mineur tiré des concerts royaux de François Couperin avec l'ensemble Le Parlement de Musique dirigé par Martin Gester. Le croiriez-vous, La Traviata, peut-être l'un des opéras les plus célèbres du répertoire, n'a pas vraiment convaincu lorsqu'il a été créé. à Venise en 1853. Alors c'est un opéra évidemment inspiré de la fameuse pièce d'Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias, qui évoque le destin de la demi-courtisane Alphonsine dite Marie Duplessis et qui à l'opéra va devenir Violetta Valéry. Bah en fait, Verdi n'était pas très content de la préparation de la première parce que par souci d'économie, on lui avait imposé des chanteurs qu'il n'appréciait guère et en plus, il y avait des décors et des costumes qui évoquaient le siècle de Louis XIV qui ne correspond pas du tout à l'époque où il situe la Traviata. Et donc, en plus, eh bien, la chanteuse qui incarnait le rôle éponyme, eh bien, finalement, elle n'avait pas vraiment les qualités pour, parce qu'elle avait un physique qui n'était pas vraiment, qui ne correspondait pas à celui du personnage, et des qualités vocales plus ou moins convaincantes, on va dire ça comme ça. Donc au fil des années, beaucoup de chanteuses ont pris le rôle et évidemment cet opéra s'est imposé partout. Alors voici un extrait de la Traviata, Sempre Libre, toujours libre. On va l'écouter chanter par une grande chanteuse qui aujourd'hui a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est bien dommage, mais c'est comme ça et c'est parfois nécessaire. C'est Nathalie Dessay, sans H, parce que en hommage à Nathalie Wood, elle a retiré donc le H de son prénom, Nathalie Dessay, et l'orchestre Concerto Köln, dirigé par Evelino Pido. Sempre Libera, donc c'est toujours libre. C'est un extrait de La Traviata de Giuseppe Verdi. On a entendu la voix, bien sûr, de Nathalie Dessay. Et puis on a également entendu Roberto Alagna dans cet extrait qui jouait le rôle d'Alfredo. Le concerto Köln était dirigé par Evelino Pido. Rosamund, eh bien, c'est une pièce de Madame de Chézy dont Schubert a tiré une musique de scène. Alors l'œuvre dans son intégralité n'est plus jouée. Mais on joue quand même encore les extraits symphoniques, par exemple l'entracte numéro 3 qui est magnifique. Et cet entracte utilise un thème que Schubert va réutiliser plusieurs fois, ce qui est assez rare chez lui finalement, dans un impromptu qui est un thème et variation, et puis dans son quatuor, précisément intitulé Rosamund en raison du thème de cette musique de scène qui est repris dans le deuxième mouvement, c'est le numéro de catalogue Deutsch 703. Donc Helmut Deutsch qui a constitué le catalogue des œuvres de Schubert. Ce pauvre Schubert n'aurait pas eu le temps de le faire et peut-être pas l'envie non plus. Une œuvre en tout cas admirable, un thème superbe et on retrouve donc toute cette magie des quatuors de Schubert. On écoute souvent La jeune fille et la mort, on néglige peut-être un peu trop les autres. Le quatuor Rosamund était vraiment un chef-d'œuvre. Alors voici l'andante de ce quatuor joué par le quatuor Hagen. Thank you. Le mouvement lent du quatuor Rosamund de Schubert avec le quatuor Hagen. Charles-Valentin Alcan, c'est un compositeur français du 19e siècle, quelqu'un d'assez discret, un rat de bibliothèque qui est mort d'ailleurs dans sa bibliothèque en la prenant sur lui, en la recevant sur lui, en essayant d'attraper un livre, donc un accident bête. Et Charles-Valentin Alcan était particulièrement apprécié en son temps en tant que virtuose. Liszt l'admirait beaucoup. Il a laissé une œuvre assez intéressante, notamment une grande sonate, une gigantesque sonate, les quatre âges de la vie, donc on comprend le programme, et puis des pièces tout aussi charmantes ou parfois qui sont un petit peu, disons, dans des difficultés redoutables, parce que Charles-Valentin Alcan, comme je disais, était un grand virtuose, et il aimait parsemer évidemment ses partitions de difficultés, et peu de pianistes à l'époque d'ailleurs jouaient sa musique, hein. Il n'était pas très très prisé par les pianistes, parce qu'il fallait vraiment avoir un très très haut niveau comme Liszt pour pouvoir interpréter Alcan. Alors on va écouter un scherzo diabolico, magnifiquement interprété par une pianiste qui, elle, ne manque pas de virtuosité. C'est Sylvie Carbonel. Je vous parle depuis quelques émissions de ce coffret publié par Scarbo autour des enregistrements de Sylvie Carbonel. Et ben voilà encore un extrait de ce coffret que je recommande vivement, coffret de 10 CD. On pense un peu à la Mephistovals de Liszt, Scherzo Diabolico de Charles Valentin Alcan, joué par Sylvie Carbonel. Un compositeur hongrois maintenant, c'est Zoltán Kodály, né en 1882, mort en 1967 avec sa suite Ari Janos. En fait, c'est une suite symphonique tirée de son opéra. Et Ari Janos, bah, c'est un soldat fanfaron, il raconte des exploits qu'il a jamais accomplis. Enfin, bref, une grande gueule, comme on dit, un type toujours sûr de lui, et bon, qui va se retrouver dans des aventures, évidemment, incroyables. Et donc, ce Ari Janos... eh bien, va raconte dans une taverne ses exploits lors de la guerre, et c'est ainsi que l'histoire commence. Et dans la partie orchestrale, dans les pièces orchestrales tirées de cet opéra, il y a une ouverture en quelque sorte qui est assez étonnante, parce que, comme le disait Leonard Bernstein, ça commence par un éternuement musical. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et donc ensuite, c'est une musique assez inspirée de la musique populaire hongroise, magyar, avec des instruments comme le cymbalum. Bref, quelque chose d'assez typé, magnifique. Voici l'ouverture, en quelque sorte, de la suite Ari Janos de Zoltán Kodály, avec l'éternuement, par l'orchestre de Cleveland, direction George Zell. L'ouverture d'Ari Janos, de la suite Ari Janos de Zoltán Kodály, avec l'orchestre de Cleveland, direction George Zell. Je crois qu'on dit Kodály, hein, et pas Kodály, mais enfin bon. Allez, on enchaîne avec du Bach, le double concerto violon au bois. Bah, évidemment, il y a plusieurs combinaisons possibles pour ce double concerto. Il peut être joué d'ailleurs avec une flûte à la place du hautbois ou deux violons. On va écouter le premier mouvement Allegro avec deux solistes qui sont en couple à la scène comme à la ville, la violoniste Lisa Batiashvili et le hautboïste François Leleu, l'orchestre de chambre de la radio bavaroise, les entoure pour ce concerto, double concerto de Jean-Sébastien Bach. Thank you. très belle interprétation du concerto pour violon au bois et cordes de Jean-Sébastien Bach, BWV 1060, avec Lisa Batiashvili, François Leleu et l'orchestre de chambre de l'orchestre de la radio de Bavière. Chopin, maintenant, il est nocturne, il en a composé 21, et il n'est pas vraiment le concepteur du genre, parce que John Field, un compositeur irlandais, en avait déjà composé quelques-uns de ses nocturnes, en tout cas, évidemment. C'est Chopin qui donne les lettres de noblesse à ce genre musical, qui a été ensuite bien illustré notamment par Gabriel Fauré, par exemple. Voici le nocturne en fa dièse majeur, opus 15, numéro 2, sous les doigts, et avec joie d'ailleurs aussi, de Benjamin Grosvenor. Le nocturne en fa dièse majeur, opus 15, numéro 2, de Frédéric Chopin, joué par Benjamin Grosvenor. Le musicologue et compositeur Carole Beffa vient de publier un livre chez Actes Sud consacré à Bernard Herrmann, une biographie de Bernard Herrmann, le compositeur favori d'Alfred Hitchcock, mais pas que, puisqu'il a écrit aussi des musiques de films pour Martin Scorsese ou Orson Welles et bien d'autres. Donc un livre assez indispensable parce qu'il n'y avait pas grand-chose finalement sur Bernard Herrmann. Et en fait, avec ce livre, cette monographie autour de ce compositeur, eh bien, on retrouve bien presque un siècle d'histoire du cinéma donc et de la musique. C'est pas inintéressant du tout. Donc un livre paru, comme je le disais, aux éditions Actes Sud est remarquable. On va écouter la musique du film Psychose, Frisson garanti, le thème du générique joué par l'orchestre philharmonique de Los Angeles dirigé par Esa-Pekka Salonen. Ah, le générique de Psychose, hein, ça fait froid dans le dos. Psychose, film d'Alfred Hitchcock. Musique de Bernard Herrmann, l'orchestre de Los Angeles, et Isa-Pekka Salonen, après ce moment d'effroi, un peu de poésie, avec les danses pour harpe de Claude Debussy, une commande d'un fabricant de harpe qui voulait promouvoir un nouvel instrument, nouveau système de harpe, et puis ça n'a pas pris. La harpe chromatique, en tout cas, ça nous vaut quand même deux danses magnifiques, une œuvre parmi les plus belles de Claude Debussy, je trouve. Alors voici la danse profane, jouée par Lisa Velbaum et l'orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez. l'univers onirique de Claude Debussy avec la danse profane tirée des deux danses pour harpe, jouée à la harpe par Lisa Velbaum et l'orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez. Et on va terminer l'émission avec Carl-Philippe Emmanuel Bach, le fils de son père, Jean-Sébastien, bien sûr. Carl-Philippe Emmanuel, né en 1714, mort en 1788. Et une sonate en trio pour flûte, violon et violoncelle et continuo, comme on dit, avec le clavecin. Avec au violon Lisa Batiashvili, à la flûte Emmanuel Pahud, au violoncelle Sébastien Klinger et au clavecin Peter Koffer. premier mouvement Allegro de la sonate en trio de Carl Philipp Emanuel Bach. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain, samedi et dimanche à 11h, pour de nouvelles aventures musicales avec Discothèque Classique sur Radio Fadjet. Bon dimanche à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère.